إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن شاء الله نبدأ الكتاب ثلاثة الأصول وهو المؤلف شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى commence le livre إن شاء الله بإذن الله تعالى livre qui s'appelle « Les trois principes fondamentaux et leurs preuves » de l'auteur Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullah alayh, qui est né en 1115 de l'Hijara, qui a appris le Coran avant l'âge de 10 ans, et qui était déjà dans l'étude de la science, jour et nuit. Ensuite, il a étudié à Mecca, où il est resté avec le grand Mashaïr. Puis ensuite, il est parti à Medina, à Médine, dans la ville du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il a encore approfondi sa science, alhamdulillah, sur Tawhid et Sunnah, et dans toutes les matières qu'il a apprises, comme le fiqh, le hadith et autres. Jusqu'à ce qu'il ait beaucoup étudié les livres de Cheikh al-Islam Taymiyyah, rahimallah, et Cheikh ibn al-Qayyim, rahimallah ta'ala. Parmi les livres les plus connus, Salatatul Usul, wa Kitab al-Tawhid, wa Kashf al-Shubuhat, al-Kabair, et d'autres livres dont il a été l'auteur de nombreux livres, mais beaucoup de livres sur al-Tawhid. Et il est mort, rahimallah ta'ala, en 1206. De l'Hijra. قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم اعلم رحمك الله انه يجب علينا تعلم اربع مسائل الاولى العلم وهو معرفه الله ومعرفه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومعرفه دين الاسلام بالادله الثانيه العمل به الثالثه الدعوه اليه الرابعة الصبر على هذا فيه والدليل قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر L'auteur Cheikh Mohammed Abdel Wahhab rahimallah il commence son livre en disant بسم الله الرحمن الرحيم sache qu'Allah te fasse miséricorde qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre choses Quatre questions importantes. La première, la science, qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que la connaissance de la religion de l'islam avec ses preuves. Deuxièmement, d'appliquer cela. Troisièmement, d'appeler et de prêcher à cela. Quatrièmement, de patienter sur tout ce qui va découler de cela. Et la preuve de cela est ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit par le temps. Certes, l'homme court à sa perte, sauf ceux qui croient, qui pratiquent les bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité et qui s'enjoignent mutuellement la patience. Qala bismillah ar-Rahman ar-Rahim. L'auteur a donc commencé son livre par bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Yani bismillah, al-basmala inda salaf al-umma radiallahu ta'ala anhum. الإخلاص لله عز وجل معنى بسم الله عند السلف al-ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Chez les pieux prédécesseurs, chez les sahaba radiallahu anhum, lorsqu'ils disaient bismillah, pour eux c'était le sens que je le fais pour Allah. Ce que je vais le faire pour Allah. Ici, il commence son livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya'lam ar-Rahimak Allah. Donc, il commence son livre, Bismillah aktub. Au nom d'Allah, j'écris. Ya'ni, lillahi jalla wa'ala wahdahu la sharika lah. Seulement pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala a commencé son livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah, Allah, Ismullahi Azza wa Jal, Al-Ilah. Le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui signifie, qui a comme sens Al-Ilah, la divinité, la seule divinité, pas une autre avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le nom qui devance tous les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ma qala Allah jalla wa ala bismi ar-Rahman Allah ar-Rahim, mathalan. Ou bismi al-Aziz ar-Rahman ar-Rahim. La, qala bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est le nom qui devance tous les autres noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala s'associe ses noms, il donne ses noms, ses propres noms, il met avant le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les savants ont divergé sur le fait de, il y a un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, que si tu le cites dans le dua, dans la vocation, dua mustajaba, la dua, elle est exaucée. Certains, ils ont dit, c'est ismullah, c'est le nom d'Allah, Allah. D'autres, ils ont dit, al-hayyu al-qayyum. Ils ont divergé là-dessus. Le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala est mentionné de nombreuses fois dans le Coran. Et les savants, ils disent que lorsqu'un nom est mentionné plusieurs fois fil nusus, fil kitab ou fil sunna, dans le Coran ou dans la sunna, c'est que c'est quelque chose d'important. Ismullahi jalla wa ala. Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le nom que ses créatures ne partagent pas avec lui. Allah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman, ismun min asmaillahi jalla wa'ala. Ar-Rahmatu al-Wasi'a. Al-Farq bayna ar-Rahman ar-Rahim. Le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait mentionné ar-Rahman ar-Rahim, c'est qu'ils n'ont pas le même sens. La règle chez les gens de la sunna, c'est que pour chaque nom, il y a un attribut. Likulli ism sifa. Ar-Rahman bi-Rahma. Ar-Rahim bi-Rahma. Allah al-Ilah al-Uluhiyya. Allah Azza wa Jal, Al-Ilah, il est la divinité et il détient cette divinité comme attribut. Il est une divinité, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa ma'boud, la ma'bouda bi haqqin illallah. Nul digne d'être adoré en vérité qu'Allah. Ar-Rahman bi rahma. Rahmatullahi Jalla wa Ala. Lakin al-farq bayna ar-Rahman ar-Rahim. الرحمة للرحمن الرحمة الواسعة وللرحيم الرحمة الوسيلة. Il y a une différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim. Ce n'est pas pour rien qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a mentionné ces deux noms. الرحمة الواسعة, c'est ce qui vient prouver le nom d'Allah, Ar-Rahman. C'est-à-dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, est miséricorde avec tout le monde. Hatta al-kafir, wal-mushriki, wal-zalim, wal-fasiq, wal-mubtadi' wa kullu. Kullu al-nas. Il a cette miséricorde qui englobe toute sa création. Il y a des gens qui ne croient même pas en Allah, tabaraka wa ta'ala. Wa yasubu Allah jalla wa ala wa li'adhu billah. Il y a des gens qui insultent Allah, azza wa jal. Et pourtant, Allah, tabaraka wa ta'ala, leur donne de quoi se vêtir, de quoi se nourrir et de quoi vivre. Et pourtant, yakfur billahi, subhanahu wa ta'ala. Pourtant, ils mécroient en Allah, azza wa jal. Mais Allah, tabaraka wa ta'ala, il lui donne cette forme de rahma. Il a de quoi manger, de quoi vivre, de quoi boire, etc., etc. Ça, c'est une forme de rahma. C'est une rahma qui englobe toute sa création, quelle qu'elle soit. Fit dunya. Mais ça, c'est dans la dunya, dans cette vie d'ici-bas. Ar-Rahim, ar-Rahmatul Wasila, khassa bil mu'minin yom al-qiyama. Ça, c'est ar-Rahim, ça veut dire qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il a cette miséricorde, ar-Rahma, mais qui est spécifique aux croyants. Yom al-Qiyama, le jour de la résurrection. Maqala Allah subhanahu wa ta'ala, yu'adhibu man yasha' wa yarhamu man yasha'. Allah azza wa jal châtie qui il veut, comme il donne miséricorde à qui il veut. Qala bismillah ar-Rahman ar-Rahim, i'alam, rahimak Allah. I'alam, al-ilm. والعلم واجب على كل مسلم الصغير والكبير كل مسلم قال الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا هو قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول ربي زني علما ما قال زني الأولاد والزوجات والمال لا زني علم العلم أولا قبل كل شيء قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح باب العلم قبل القول والعمل الله تبارك وتعالى أوردوني لا سيونس فاعلم ساش أبخان ساش qu'il n'y a nul digne d'être adoré en dehors de lui الله تبارك وتعالى أوردوني son prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم lorsqu'il lui a dit, قُلْ يعني يَا مُحَمَّدْ قُلْ زِنِّي عِلْمًا رَبِّي زِنِّي عِلْمًا Mon Seigneur, augmente-moi la science. Il ne l'a pas ordonné d'augmenter autre chose, de l'argent ou des enfants ou autre, ou une richesse de ce bas monde, ou une chose de ce bas monde. Il lui a demandé quoi ? العلم. Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné son prophète Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam de l'augmenter en science. Subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, la science, dans son chapitre, la science avant la parole et les actes. Wajib ala kulli muslim. Quelqu'un qui veut apprendre, quelqu'un qui veut se marier, quelqu'un qui veut commercer, quelqu'un qui veut faire la hajj, ou l'umrah, ou salat, ou zakat, ou siyam, ou l'ibada, al-ilm, qabl al-qawli wa l'amal. Il se doit d'apprendre. Tu veux prier, tu apprends d'abord comment on prie. Tu veux donner zakat, tu apprends d'abord comment on donne zakat. Tu veux jeûner, tu apprends d'abord comment on jeûne. Tu veux partir au pèlerinage, tu apprends d'abord comment est-ce qu'on fait le pèlerinage. والعلم ضروري ونظري. العلم قسمان. La science, elle est classée de deux sortes. الضروري. C'est une science qui n'a pas besoin de preuves. Mathalan, le soleil brûle. Est-ce qu'il y a besoin d'une preuve pour ça ? Là. Tu n'as pas besoin d'une preuve pour ça. Le feu, ça brûle. Est-ce que tu as besoin d'une preuve pour ça ? Ça, c'est une science où il n'y a pas besoin de preuves. Alors que l'autre science, il faut al-adilla. Il faut des preuves. Bil-kitab et wa-sunna. Il va falloir prouver ce que tu avances. Tayyib. I'alam rahimak Allah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Rahimak Allah. Yani ghafar Allahu lak. Ici, l'auteur, c'est comme une muqaddima. C'est pour mettre à l'aise le lecteur. Il attire son attention et il lui fait du'a. I'alam rahimak Allah. الداعي من يدعو إلى الله عز وجل وإلى التوحيد وإلى السنة وإلى كتاب الله عز وجل عنده اللين والرفق، والأصل في الدعوة اللين والرفق هو الأصل. La base dans la da'wa c'est d'être gentil et calme, d'être posé, de la douceur pour celui qui prêche, afin d'avoir le cœur de la personne, d'avoir un cœur apaisé en face de soi. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir qu'il ramène dans le cœur qu'il a en face de lui حب الله عز وجل وحب النبي صلى الله عليه وسلم وحب الصحابة رضي الله عنهم وحب العلماء. Il va falloir qu'il ramène dans le cœur de la personne l'amour d'Allah tabaraka wa ta'ala, l'amour du prophète sallam, wa sahaba, les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, wa al-ulama min ahli sunnati wal jama'a, et lui faire aimer les savants et de revenir à eux. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé Moussa wa Haroun alayhim as-salatu wa salam, qu'est-ce qu'il leur a mentionné? Parlez-lui avec douceur. Et pourtant, ils vont voir qui ? Pharaon, Ashadd min al-kuffar. Quelqu'un qui est promis déjà à l'enfer, puisqu'Allah Azza wa Jalla l'a démontré dans les textes. Allah Azza wa Jalla savait à l'avance que Pharaon n'allait pas croire. Avant même de l'avoir créé, Allah tabaraka wa ta'ala bi'ilmihi, par sa science, il savait que Pharaon ne reviendrait pas à la vérité et qu'il allait mourir kafir. Et pourtant, qu'est-ce qu'il dit à Moussa wa Haroun? Parlez-lui avec douceur. Peut-être que. C'est quoi la sagesse de ça? Qu'Allah tabaraka wa ta'ala, sachant à l'avance que Pharaon il allait mourir kafir, d'avoir dit à Moussa wa Haroun de lui parler avec douceur. Tout simplement pour nous montrer kayfa ad-da'wa, da'watu ila Allah azza wa jalla. Pour nous démontrer comment est-ce qu'on fait de da'wah. On ne fait pas de da'wah en criant, on ne fait pas de da'wah en insultant, on fait de da'wah bil-ilm. Al-ikhlas lillahi azza wa jal. Et la première intention quand tu fais de da'wah, lillah, wahdahu la sharika la. C'est pour Allah. Ce n'est pas pour avoir une place, ni pour avoir le mal, ou le zawja, ou shay min ad-dunya. Wa ba'du an-nas ويدعو إلى الله ظاهرا وباطنا يدعو إلى نفسه لا حول ولا قوة إلا بالله. Il y a des gens qui ظاهرا d'apparence appellent à Allah mais qui à l'intérieur d'eux n'appellent qu'à eux-mêmes. الرياء. Ils parlent d'Allah تبارك وتعالى وبأسمائه وصفاته وبكتابه, des noms, des attributs d'Allah, de manière à faire en sorte que les gens pensent de lui qu'il parle bien d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ou bien de dire qu'il a de la science, ou bien ceci, ou bien cela. Là, lillahi azza wa jal. Quand tu appelles les gens, tu appelles Allah tabaraka wa ta'ala. En toute sincérité. Qul ad'u ila Allah. Dis, j'appelle Allah. Ila tawhidillahi azza wa jal. La ilaha illa Allah. Première intention pour Allah. Deuxièmement, d'enlever l'ignorance qui est chez les gens. Tu ne fais pas de da'wah pour faire plaisir aux gens. Tu fais de da'wah pour enlever l'ignorance ou les ambiguïtés qui peuvent se trouver dans le cœur des gens qui sont en face de toi, des gens avec qui tu parles. Et cela en commençant par le plus important. Tu appelles au plus important et tu interdis le plus grand mal chez la personne. Quelqu'un qui ne fait pas la prière, mais qui par exemple chez lui, il accroche des photos, surah, d'êtres vivants, animal ou être humain, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit? Tu ne vas pas lui interdire le fait d'avoir accroché ça alors qu'il ne fait même pas la prière. Tu dois interdire chez lui le plus grand mal. Al-mafsadatul akbar. On interdit d'abord le plus grand mal qu'elle a, la personne. On regarde. Qu'est-ce qu'elle a le plus grand manquement qu'elle a? C'est ça qu'il faut combler d'abord. Même si tu appelles Tawhid, c'est le plus important. Combien de fois Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné son unicité dans le Coran? C'est la chose la plus grande et la plus nombreuse qu'il ait mentionnée. Combien de fois les prophètes sont venus avec leur peuple, qu'est-ce qu'il leur a dit? Chaque prophète, Abudullah wa la tushriku billah. Amara bit tawhid wa tahdhir min ash-shirk. Fi al-Quran wa al-Quran kulluhu tawhid. Tawhid Allah azza wa jalla fi asma'ihi wa sifatihi, tawhid Allah azza wa jalla fi al-ibadah, wa tawhid Allah jalla wa ala fi rububiyyatihi wa al-Khaliq al-Malik subhanahu wa ta'ala. Donc on appelle d'abord au plus important et on interdit le plus important. Et ceci, par étapes, et bien entendu, bil-ilm. Ad'u ila Allah ala basira, qala Allah jalla wa ala. Dis, j'appelle à Allah, mais est-ce que j'appelle à Allah comme ça? Par n'importe quel chemin, par n'importe quelle manière? Non, ala basira. J'appelle à Allah avec la preuve. Bil-kitabi wa sunnah. Allah Azzawajal s'est fait connaître à ses créatures par le livre et la sunna. Pourquoi tu veux passer par autre que le livre et la sunna? Tu veux unir les gens sur la ilaha illallah. Tu ne peux unir les gens sur la ilaha illallah que par le Coran et la sunna. Tu ne peux pas unir les gens par un moyen qu'Allah Azzawajal n'a pas utilisé pour unir les gens. Tu ne peux pas unir les gens par un moyen qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas mentionné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour réunir les gens. Pas d'unicité entre les musulmans tant qu'ils ne sont pas tous unis sur la ilaha illallah. Bil-fahm wal-amal. Donc ils ne sont pas tous unis sur la ilaha illallah avec tous la même compréhension d'appliquer la ilaha illallah et de le comprendre avant tout. La ma'bouda bi haqqin illallah. Nul digne d'être adoré en vérité qu'Allah. Wa qala i'lam rahimakallah. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Là tu fais ad-du'a. Ça veut dire que tu prépares le cœur. Il a préparé le cœur du lecteur. Il attire son attention. وهذا معروف عند السلف رضي الله تعالى عنهم. عند السلف tu trouves quelquefois des manières d'attirer l'attention. Certains ils se tenaient l'ahya. Comme ça. Ils se tenaient l'ahya. Moussa alayhi salatu wassalam a pris l'ahya de son frère Haroun. Il le faisait pour attirer l'attention. Les sahaba رضي الله عنهم entre eux le faisait pour attirer l'attention. Quelquefois, tu trouves des hadiths où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mentionnait trois fois la parole. Pourquoi? Pour attirer l'attention. On te le dit une fois, peut-être que tu ne vas pas faire attention. On te le dit une fois, puis on répète encore une fois, tu vas tourner la tête cette fois-ci. On te dit une fois, deux fois, trois fois, bi'idhnillahi ta'ala, ça y est, on a bien ton attention. Cette fois-ci, tu as compris, pour que ça rentre fil qalb. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. Sache qu'il nous est obligatoire d'apprendre quatre grandes questions, quatre points importants. Et ces quatre questions importantes, elles regroupent la religion tout entière. Elles regroupent la religion tout entière. الأولى, la première grande question que on se doit d'étudier, al-ilm. Premièrement, la science. Bil-ma'na wa huwa ma'rifatullah. Sache que l'on est obligé, on a cette obligation en tant que musulman d'étudier quatre points. Le premier point, al-ilm. Wa huwa ma'rifatullah. La science. C'est quoi la science? C'est la connaissance d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ma'rifatullahi azza wa jal bil qalb. Wal inqiyad. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala par le cœur. Mais toujours bil ilm. Ainsi que être conforme à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné. faire ce qu'Allah Azza wa Jalla a ordonné et délaisser ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a interdit. والتمسك بالسنة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم et de s'accrocher fermement à la sunna du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم puisque cette sunna vient d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc d'être attentif aux signes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, aussi bien les signes universels comme la création d'Allah subhanahu wa ta'ala que le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala s'est décrit ainsi que la sunna du messager d'Allah alayhi salatu wa salam. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wa fil ardi ayatun liman lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Vous avez des signes et même des signes en vous-même. Wa fi anfusikum, des signes en vous-même qui vous permettent de connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Chaque créature d'Allah azza wa jalla, elle est un signe qui prouve l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme ce bédouin à qui on a demandé, comment as-tu connu ton Seigneur? Il a répondu, lorsque je vois les défécations du chameau, cela me prouve qu'un chameau est passé par là. Lorsque je vois les traces de pied d'un homme sur le sable, cela me prouve qu'un homme est passé par là. Lorsque je regarde les cieux et la terre, cela me prouve qu'il y a un créateur, Allah tabaraka wa ta'ala. Toute la création des cieux et de la terre sont une preuve et une trace de l'existence d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi que dans le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومعرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Puis la connaissance, c'est quoi la science? C'est la connaissance d'Allah et la connaissance de son prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجيدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما. الله تبارك وتعالى mentionné: par Allah, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas pris comme juge dans ce qui les gêne entre eux, dans leurs affaires, jusqu'à ce qu'ils ne trouvent en eux-mêmes aucune gêne et qu'ils s'y plient en toute soumission. Trois étapes. Hubb sunnah, celui qui dit « Ash'hadu anna Muhammad ar-Rasulullah », ça veut dire que quand il a une divergence avec quelqu'un, il revient à la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme faisaient les sahaba radiallahu anhum. Une fois qu'ils ont fait cela, lorsque le hukm d'Allah tabaraka wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tombés, ça y est, le jugement est tombé, il est satisfait, il n'a rien dans son cœur, aucune gêne. Hada huwa al-mu'min. Yaqul lillahi azza wa jal, fala wa rabbika la yu'minuna hatta. Ils ne croiront pas, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas la foi parfaite, complète, tant qu'ils ne reviennent pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'une fois que le jugement est tombé, ils ont eu la réponse, ils n'ont aucune gêne dans le cœur. Aucune gêne. Wa yusallimu taslima, et qu'ils s'y soumettent en toute soumission. Celui-là, là, qui ressent ça, imanuhu kamal bi'idhnillahi ta'ala. Sa foi, elle est parfaite, complète. Bi'idhnillah. Ça, c'est revenir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait partie de la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être conforme à ce qu'il a ordonné, puisque chaque chose qu'il a ordonné, il ne l'a ordonné que par Allah tabaraka wa ta'ala. Et chaque chose qu'il a interdit, il ne l'a interdit que par Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fa'in tanaza'tum fi shay farudduhu ila Allahi wa rasul. إن كنتم مؤمنون بالله واليوم الأخير ذلك خير وأحسن تأويلا. الله عز وجل a mentionné selon le sens des versets, et si vous avez une différence entre vous ou quelque chose, renvoyez-le à Allah et à son prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الزمان رده إلى الله والرسول إلى الكتاب والسنة. يعني إلى أهل الكتاب والسنة. يقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Aujourd'hui, est-ce que comment tu fais pour revenir à Allah, son prophète صلى الله عليه وسلم? Le prophète صلى الله عليه وسلم, il n'est plus avec nous. Comment tu fais pour revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam? As-sahaba, ils sont plus avec nous. Radiallahu anhum. Il faudra que tu reviennes. L'ulama, warathatul anbiya, les héritiers des prophètes et les héritiers du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils n'ont pas hérité d'argent ou de meubles ou de ce que tu veux. Ils ont hérité de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils vont te répondre selon la science du Coran, du livre d'Allah tabaraka wa ta'ala, et les règles qu'Allah azza wa jalla a établies, ainsi que les règles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bifem, as-sahaba radiallahu anhum. Avec la compréhension comme sahaba l'ont compris, puisque personne n'a compris cette religion mieux que sahaba radiallahu ta'ala anhum. Donc renvoyez-le à Allah et à son prophète, si vous êtes croyant en Allah et au jour dernier. In kuntum mu'minun. Hein, si vous êtes croyant, c'est-à-dire si votre foi est parfaite et complète, alors faites cela. Et ceci est de bien meilleur et de meilleur. Et meilleure et de meilleure interprétation. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. العلم هو معرفة الله. معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم معرفة دين الإسلام. لكن بالأدلة. Bil adillah. Le troisième point, c'est quoi la science? C'est la connaissance d'Allah, de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la connaissance de la religion avec ses preuves. Bil adillah. Hein? Le shir ne s'est pas arrêté en disant ma'rifatu din al-islam, faqat. La. Qala ma'rifatu din al-islam, lakin bil adillah. Avec des preuves. Wal islam bima'na العام يعني أن تعبد الله تبارك وتعالى الاستسلام لله عز وجل قال الله سبحانه وتعالى في الدعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا واجعلنا مسلمين قلتنو parmi les soumis c'est-à-dire lui et son fils إسماعيل عليه الصلاة والسلام مسلمين لك قلتنو parmi les soumis à toi وقال الله سبحانه وتعالى ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Et ne mourrez qu'en pleine soumission, en étant soumis à l'islam. Al-istislam ou lillahi azza wa jal. La pleine soumission en Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsque l'auteur ici a dit ma'rifatul islam bil adillah, c'est-à-dire la connaissance de l'islam dans son sens général. Dans son sens général. Hadi al-ma'na am. Wa al-islam bil ma'na al-khas. بعد بحثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعني من كان في زمان موسى عليه الصلاة والسلام وهو يتبع موسى هو مسلم ومن يتبع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام في زمانه هو مسلم هذا المعنى الإسلام عام والإسلام خاص يعني دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله والصلاة والزكاة والصيام والحج الإسلام قال جبريل للنبي هنا محمد صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله والصلاة والزكاة والصيام والحج الإسلام يعني الإسلام كله ces cinq piliers-là. L'islam, il y a l'islam qui est du sens général. Ça veut dire l'islam qui est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes sont venus avec la même parole, avec la même aqida, avec la même croyance. Ils ont tous cru en Allah comme il fallait croire en Allah, tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas un prophète qui a cru telle chose sur Allah et un autre prophète qui a cru autre chose. Non. Dans la connaissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ils ont tous eu la même croyance, la même aqida, le même manhaj, la même voie, la même compréhension. Ce qui a changé chez les prophètes, c'est al-sharia, c'est la législation. À l'époque, ils ne priaient pas comme nous prions. Chaque peuple a reçu une législation bien précise, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaît ce qui arrange chaque peuple, ce qui est fait pour chaque peuple et chaque époque. Jusqu'à ce qu'il envoie à son prophète Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et là, on va parler de l'islam khas, qui est spécifique, qui est de témoigner de la ilaha illallah, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien le messager d'Allah, d'accomplir les 5 prières journalières obligatoires, d'accomplir la zakat, l'aumône légale, de jeûner le mois de Ramadan et d'accomplir le pèlerinage pour celui qui le peut. Hada l'islam, l'islam khas, ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais chaque personne qui a suivi le prophète Moussa alayhi salatu wa sallam avec Taura, ou bien qui a suivi Isa ibn Maryam avec l'Injil, annahu muslim. Muslim. Il est muslim. C'est-à-dire qu'il a été soumis à Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il a suivi son prophète en temps voulu. L'islam, ça c'est le sens, dans le sens général. وقال الله سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام. Et certes, la religion auprès d'Allah, c'est quoi? C'est l'islam. C'est la soumission à Allah Azza wa Jal. Et il n'agrée pas une autre religion ou une autre croyance. Car Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné إن الدين عند الله الإسلام. Allah tabaraka wa ta'ala n'agrée que l'islam comme religion. L'istislam ou l'illahi Azza wa Jal. والمعنى الإسلام يعني si, même si quelqu'un a suivi son prophète en temps voulu et à l'époque où son prophète est arrivé, il est muslim. آدم مسلم عليه الصلاة والسلام. إبراهيم ونوح وكل الأنبياء والرسل مسلمون. Ils sont tous musulmans, c'est-à-dire مسلمون soumis à Allah تبارك وتعالى. Ils adoraient Allah عز وجل sans rien lui associer. Ils avaient tous la même aqida, la même croyance. Ils croyaient tous de la même manière en Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Ça c'était quand? Sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai parfait sur vous, j'ai parfait sur vous mon bienfait et je n'agrée pour vous comme religion l'islam, que l'islam, l'islam. Là, il s'agit de l'islam khas, khas ala nabiyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Bil adillah, ma'rifatullah, al-ilm, ya'lam rahimakallah, nous yajibu alayna ta'allamu arba'i masail, al-oula, al-ilm, la science. C'est quoi l'ilm? Ma'rifatullah. Ma'rifatun nabi sallallahu alayhi wa sallam, ma'rifatul din l'islam, la connaissance de la religion, lakin bil adillah. طيب الأدلة على معرفة ذلك سمعية وعقلية. الدليل السمعي, إذا نقول الدليل السمعي, هي الدليل السمعي والدليل العقلي. الدليل السمعي c'est un دليل, une preuve من الكتاب والسنة. واضح. الدليل السمعي, الدليل من الكتاب والسنة. Quand on dit الدليل السمعي, c'est une preuve qui est dans le Coran ou dans la Sunna du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والدليل العقلي, الدليل السمعي مثلا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة السمعية, فمثلا نقول محمد رسول الله والذين معه. Un دليل سمعي, comme quoi le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. On veut connaître le prophète صلى الله عليه وسلم avec un دليل سمعي. Il y a le verset d'Allah تبارك وتعالى, محمد رسول الله. محمد est le messager d'Allah. C'est un verset du Coran. هذا الدليل, دليل سمعي. Ça, c'est un dalil qu'on appelle dalil sam'i. Pourquoi? Parce qu'on a la preuve directement. Min al-kitab wa sunnah. Wa qala Allahu azza wa jal kadhalik, wa ma Muhammadun illa rasulun. Quant à Muhammad, il n'est qu'un messager. Sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Là, on a encore la preuve dans le verset. Donc, dalil sam'i, parce que c'est un verset du Coran, notre preuve, qu'il est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Quant à Ad-Dalil al-Aqli, ce que l'on va avoir, c'est des signes. Il y a des signes qui montrent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bien le messager d'Allah. Lorsqu'il a parlé de certaines choses qui aujourd'hui se concrétisent. Ou des choses que les savants d'une science qui est autre que l'ilm shar'i ramènent des choses qu'ils découvrent aujourd'hui alors qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le savait déjà lui-même. Mathalan, l'allaitement. Allah tabaraka wa ta'ala a interdit à des frères et sœurs de lait de se marier parce qu'ils sont considérés comme des frères et sœurs de sang à partir du moment où ils ont été allaités par la même personne sans entrer dans les détails. Ils ne peuvent pas se marier. Shar'an, Allah tabaraka wa ta'ala leur a interdit le mariage. Ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le savait de son époque. Aujourd'hui, des médecins trouvent que dans le lait maternel, il y a des traces génétiques. C'est-à-dire qu'elle passe dans son lait maternel des traces d'ADN. Ce qui signifie que la personne qui absorbe, l'enfant qui absorbe ce lait maternel, prend les traces génétiques de la femme qui l'allait. Mais Allah tabaraka wa ta'ala l'a interdit à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 1430 ans. طيب. Donc toutes ces connaissances, elles se font bil adilla as-sam'iyya wa aqliyya. Al-thaniya, deuxièmement, premièrement, l'ilm. Parmi les quatre points, le premier point, c'est la science. C'est quoi la science? C'est la connaissance d'Allah, de son prophète, alayhi salatu wassalam, et de la religion avec ses preuves. Deuxième point, parmi les quatre, al-thaniyatu al-amalu bih. C'est d'appliquer cette science. C'est-à-dire de faire ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a ordonné comme obéissance et de t'éloigner de tout ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a interdit. D'ordonner le bien et d'interdire le mal. Kullu ibada. Kullu ma amara Allahu azza wa jal ibadatun. Tout ce qu'Allah a ordonné dans le Coran et dans la Sunna, c'est une ibad. Sache-le. Quand il ordonne, c'est une ibad. Il a ordonné la prière, c'est une ibad. Il a ordonné le jeûne, c'est une ibad. Il a ordonné le zakat, c'est une ibad. Il a ordonné d'ordonner le bien et d'interdire le mal, c'est une ibad. Il a ordonné al-nasiha, al-din al-nasiha. La religion, c'est le conseil. La sincérité de conseiller, c'est une ibad. À partir du moment où Allah tabaraka wa ta'ala, كل عبادة ظاهرا وباطنا toute adoration كل قول القول أو العمل toute parole ou toute action ظاهرا وباطنا qu'elle soit cachée ou apparente mais qu'Allah عز وجل يحبه ويرضى qu'il aime cette parole ou cette action et qu'il est satisfait de cette parole et de cette action, qu'elle soit apparente ou cachée, c'est une ibadah. C'est une adoration. Si tu dis une chose, mais Allah n'aime pas cette chose, ce n'est pas une ibadah. Même si tu le fais pour Allah. Si tu fais quelque chose, mais Allah azawajal n'aime pas cette chose-là, ce n'est pas une ibadah. Même si tu le fais toi pour Allah, tabaraka wa ta'ala. L'ibadah, c'est toute parole ou toute action qui est faite, qu'elle soit apparente ou cachée. Pourquoi on dit cachée? L'amalu bil qalb. Parce qu'on parle avec le cœur, on fait avec le cœur. Les actions du cœur, c'est quoi? Al-tawakkul, al-khawf, al-raja, la peur, l'espérance, la confiance. Tout ça, c'est amal al-qalb. Ce sont des actions du cœur. La ilaha illallah, qawl al-qalb. La ilaha illallah, quand tu dis la ilaha illallah avec le cœur, c'est une parole du cœur. Le cœur, il parle, mais il agit. Il a des actions du cœur. Tout ça, c'est pour Allah tabaraka wa ta'ala. Seulement si Allah azawajal l'agrée. Et il aime cette chose-là. وَالْعَمَلُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ ثَمَرَةُ الْعِلْمِ. En vérité, l'action, c'est quoi? Ce sont les fruits de la science. الْعِلْمُ قَبْلِ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ. comme a dit l'imam Bukhari, rahimallah. En vérité, les actions sont quoi? Ce sont les fruits de la science. Plus la personne a de la science, plus elle va appliquer. Plus la personne a peu de science et plus son ignorance est grande, moins elle va appliquer. Et il risque de dire ou faire des choses qui ne sont pas correctes. De rentrer dans des domaines qui ne sont pas corrects pour lui, il ne les maîtrise pas. Plus tu auras la science, plus tu sauras faire ta prière. Plus tu auras la science, plus tu sauras faire l'ibadah, l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lakin, l'ilm. Sans l'ilm, tu ne peux rien faire. Miftah al-din, l'ilm. Wa miftah al-ilm, l'ura, l'ura tout l'arabiya. La clé de la religion, c'est la science. La clé de la science, c'est la langue arabe. Il n'y a pas le choix. Le Coran, bil-lughati al-arabiya. Al-sunna, bil-lughati al-arabiya. Aqwal al-sahaba, bil-lughati al-arabiya. Aqwal ulama, bil-lughati al-arabiya. Al-kutub al-ilmiya, bil-lughati al-arabiya. Est-ce que tu as un choix? Là, tu n'as pas le choix. Tu veux comprendre cette religion, il va falloir apprendre. Il va falloir apprendre. La science, elle ne vient pas à toi toute seule. Il faut aller la chercher. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, il y a beaucoup de moyens. Rien que par Internet, subhanallah. Mais il y a tellement de choses que je ne sais plus par quoi commencer. Il faut commencer par les bases, tout simplement. Tout simplement. Ça n'a rien de te surcharger. Tu vas étudier un jour, deux jours, trois jours, et le cinquième jour, il n'y aura plus rien. Même si c'est peu, mais constant. Il faut que ce soit régulier. ثم الثالثة الدعوة إليه la prêche, l'appel à ce que tu as appris comme science et à ce que tu as appliqué. Et là, on voit bien que da'wa بعد العمل ولا قبل العمل. La science, tu apprends. La première intention d'apprendre la science, c'est d'enlever, c'est pour Allah. Deuxièmement, d'enlever l'ignorance qui est en toi et non pas chez les autres d'abord. Quand tu apprends la science, c'est d'abord pour enlever l'ignorance qui est en toi. On est tous ignorants. L'imam Bukhari, rahmallah, il est né, il ne savait rien. Et pourtant, il est devenu ce qu'il est devenu. Est-ce qu'il est né avec le Sahih Bukhari, fi qalbihi? Là, il a appris. Il a appris. Une fois qu'il a appris, une fois qu'on apprend, on peut appeler aux gens ce sur quoi on a appris. Et non pas l'axe. Il faut apprendre, appliquer. Ensuite, tu peux prêcher. Comme il a dit Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala, celui qui ordonne le bien ou qui interdit le mal, celui qui ordonne le bien ou qui interdit le mal, il est censé être le premier à faire ce bien ou à interdire ce mal. Il est censé être le premier à faire ce bien ou à interdire ce mal. Allahu azza wa jalla, lima taquluna ma la taf'alun. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? وَيَعْمَلْ. Et il applique ce qu'il a appris. Il applique ce qu'il a appris. Mais apprendre et partir prêcher sans avoir appliqué, cela non. Tu te dois d'abord d'apprendre, applique ce que tu as appris et après tu prêches. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى في كتابه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة دي يعني يقول يا محمد يا رسول الله دي voici mon chemin. Mon chemin, quel chemin? Le chemin du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Allah عز وجل lui montre quel chemin les gens doivent suivre. قل أدعو إلى الله قل هذه سبيلي voici mon chemin أدعو إلى الله. أولا هل قال أدعو إلى الصلاة أو أدعو إلى الصيام أدعو إلى الحج؟ لا، أدعو إلى الله أولا. الدين النصيحة أولا لله. الإيمان، الإيمان أولا بالله سبحانه وتعالى، الله تبارك وتعالى أولا. قل أدعو إلى الله بالمعنى إلى عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. Dis j'appelle à Allah, c'est-à-dire appelle, j'appelle à adorer Allah sans rien lui associer. Voilà la da'wa par quoi elle commence. Lorsque le Nabi sallam il envoie Mu'az au Yémen, radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il lui dit? La première chose, là-bas tu vas trouver qui? Ahlul Kitab. Donc déjà il lui dit le terrain, qu'est-ce qu'il va trouver? Quel cœur il va trouver devant lui? Il va trouver des gens qui ont déjà reçu un livre. Ahlul Kitab, Yahoud wa Nasara. La première chose à laquelle tu les appelles, c'est La ilaha illallah. S'ils l'acceptent, alors apprends-leur qu'ils ont 5 prières obligatoires à accomplir. Est-ce qu'il a commencé par salat? Est-ce qu'il a commencé par siyam? Par le hajj? Par le zakat? Là. Awalan, yad'u ila Allah azza wa jal. Ila tawhidillah subhanahu wa ta'ala. Lakin yad'u ila tawhidillah fil ibadah. Quand ils appellent Allah, ils appellent Allah par rapport à l'adoration. Comme Allah azza wa jal a mentionné au sujet de Quraysh. Si tu leur demandes, si tu leur dis, man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront, c'est Allah. Quraysh, ils savaient qu'Allah azza wa jal était Al-Khaliq, le créateur de toutes choses, ou Al-Rab. La preuve est dans ce verset. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront, c'est Allah. La farq bayna al-muslimin wa al-mushrikin. Là-dedans, il n'y a aucune différence. Si tu vas voir un juif ou un chrétien, tu lui dis, c'est qui a créé tout ça? Il va te dire quoi? Il va te dire, c'est Dieu. Il l'appellera avec le nom qu'il lui donne. Là-dessus, il n'y a pas de divergence entre un musulman et un mushrik. Les deux admettent qu'il y a un créateur, qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, est-ce que les prophètes sont venus pour rappeler à ça? Non. La preuve, c'est que le prophète Mohammed sallam n'est pas venu à rappeler aux gens de Quraysh, c'est Allah qui a créé telle chose, qui a créé telle chose, ils le savaient déjà. Si tu leur demandes, man khalaqa samawati wal ard, la yaquluna Allah. Ils diront, c'est Allah. لا فرق بين المسلمين والمشركين لكن في التوحيد الألوهية العبادة la différence elle est là بين المسلمين والمشركين كيف يعبد الله تبارك وتعالى elle est là la différence c'est comment tu adores Allah comment il adore Allah يشركون بالله جل وعلا والمسلم الموحد يعبد الله تبارك وتعالى لا شريك له بدون الشرك. Voilà ce sur quoi sont venus les prophètes, d'adorer Allah sans rien associer. Ils ont appuyé sur l'ibada et non pas sur le fait qu'Allah il soit créateur de toutes choses. هذه خلاف بين المسلمين الموحدين والمشركين. وفي التوحيد الأسماء والصفات الخلاف بين المسلمين بين أهل السنة وأهل البدع. Quant aux noms et les attributs d'Allah qu'Allah est le seul à détenir, la divergence elle a touché qui? Les musulmans entre eux. Entre les gens de la sunna et les gens qui ont innové dans les noms et les attributs d'Allah. Tabaraka wa ta'ala. Ad'u ila Allah ala basira. Ya'ni ala basira bil ilm. Al makhlouq ila al makhlouq. Si je te dis, décris-moi tel frère, parle-moi de tel frère. Et tu ne le connais pas, qu'est-ce que tu vas me dire? La khi, je ne le connais pas. Est-ce que tu vas parler? Est-ce que tu peux parler sur ton frère sans le connaître? Là. Impossible. Il y a l'autre qui va me dire, moi je le connais. J'ai parlé avec lui, j'ai vécu avec lui, j'ai fait ça avec lui, ça, ça, et voilà, il est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il le connaît parce qu'il a quoi? Il a des preuves. Il est avec lui, il a pris de lui. Il l'a entendu parler, il l'a vu, il a marché avec lui, il a mangé avec lui, ça c'est avec lui, etc. Il a de quoi parler sur cette personne. Il peut la décrire. Le makhlouq, il a le makhlouq. Kayfa le makhlouq, il a le khaliq, Allah tabaraka wa ta'ala. Al-kalam ala Allahi bighayri ilm. Cet homme qui a tué 99 personnes dans le hadith que tout le monde connaît qui est dans Riyad Salihin. L'imam Nawawi, rahmallah. Il est parti voir un, lui a dit, va voir celui-là. Tu verras si Allah peut te pardonner tes 99 meurtres. Puisqu'il a tué 99 personnes. Il est venu, il a dit, j'ai tué 99 personnes, est-ce qu'Allah il peut me pardonner? Il lui a dit non, il l'a tué. Al-kalam ala Allah bighayri ilm. Adhabuhu al-mut fi dunya. Unzur kayfa yamut. Regarde comment il est mort cet homme-là. Il est mort pour avoir parlé sur Allah sans science. Ça c'est fi dunya. Son châtiment ça a été quoi? Directement. Ça a été la mort. Cet homme-là il l'a tué. Pourquoi? Parce qu'il a dit à cet homme-là qu'Allah il ne peut pas te pardonner. Celui qui dit ça il a parlé. Al-kalam ala Allah bighayri ilm. كذلك الفتوى المفتي لكن هو جاهل في الحقيقة Al-Mufti, celui-là qui va te faire une fatwa, il donne un décret comme ça, juridique, puis sharia, sans science. Ma hada. Al-Kalam al-Allahi, bi-ghayri ilm. C'est parler sur Allah sans science. Tu dis c'est haram alors qu'Allah l'a rendu halal. Tu dis c'est halal alors qu'Allah azawajal l'a rendu haram. Al-Kalam al-Allahi, bi-ghayri ilm. Tout ça, c'est parler sur Allah sans aucune science. أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Pour finir, juste après, dans ce même verset, tu trouves المنهج. أنا ومن اتبعني أدعو إلى الله. هذه السبيل يعني سبيل الله جل وعلا. أدعو إلى الله. تدعو إلى التوحيد إلى الله عز وجل إلى عبادة الله وحده لا شريك له على بصيرة بالعلم بالكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم كي j'appelle الله avec science moi et ceux qui me suivent من يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم سلف الأمة هذا هو المنهج. Ici, Allah Azza wa Jalla, il montre quel chemin à suivre. D'appeler Allah avec science. Mais est-ce que le prophète, il est le seul à faire ça? Non. Moi et ceux qui me suivent. Yani, as-sahaba. Et ceux qui suivent as-sahaba, radiallahu anhum. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin al-mahdihin. Accrochez-vous à ma sunna. Ma sunna et ceux des califs bien guidés. Ça, c'est le manhaj, bil-fam. كيف تفهم الدين الله عز دين الله عز وجل؟ Comment tu comprends cette religion d'Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que tu as pris la même compréhension que le sahaba ou tu as pensé prendre une autre compréhension et dans ce cas-là tu considères que le sahaba dans cette chose-là ils sont juhal wa la'az billah. Pourquoi tu as été chercher une autre compréhension dans telle mas'ala, dans telle question, tu n'es pas retourné à le sahaba qu'est-ce qu'il disait? Ça veut dire que tu considères que Sahaba là-dessus, ou bien ils se sont trompés, ou bien ils ne savaient pas. Mais toi, tu sais. هذا هو المنهج. منهج الصحابة رضي الله عنهم. الكتاب والسنة بفهم الصحابة. فقط. Rien de plus. Voilà ce qui t'a été demandé. J'appelle à Allah, j'appelle à l'adoration d'Allah, sans rien lui associer à son livre, à la sunna de son prophète, sallam. Moi, يعني الرسول, عليه الصلاة والسلام, le messager d'Allah, et ceux qui me suivent. Et ceux qui me suivent. On s'arrêtera là, inshallah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa ant. Wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu li wa lakum. Wallahu ta'ala a'lam.